بسم الله الرحمن الرحيم. الآن صوت بتدريبات من الدرس التاسع. أولا أسألك عن كلمة. طيب أولا معنى سبجاكوا دار يدور أي دار الحوار. أطال يطيل أطال الله عمريهما. توفاه الله. وضح يوضح. بر يبر. تبر الوالدين. البير هو المصدر. Être qui a preuve d'obéissance, de bienfaisance. Ta'atun. Obéir. Ta'atun, c'est obéissance. Ou ata'a, c'est le fiel obéir. Kaburo yakburo. Grandir. Ihsanun. La bienfaisance aussi. Wafatun. Mourir. C'est le décès, n'am. Al-mayyit. طيب الآن ستجيب عن أسئلة. أين دار الحوار؟ والترجم مباشرة. دار الحوار على بير الوالدين. ماذا؟ كنت أجيبه؟ Là, c'est le deuxième, ça, que tu as répondu. Tu as répondu à la deuxième question. La première, c'est Aïna. Dar al-Hiwar. Où ? Cela, ce qu'il produit. Fil-Hajj. Fil-Hajj. Wa thani, naam. Ma moudour al-Hiwar. C'est quoi le sujet de. Naam. Hel walidu Ahmada Hayyun. Naam. Naam. ماذا طلب سالم من محمود؟ طلب منه كيف يبر الوالدين. يبر يبر كيف يبر. ترجم. Il a demandé comment on fait pour obéir à nos parents. كيف نبر والدينا إذا كبرا. بطاعتهم وبمساعدتهم. Ah, tu as commencé par un damir jam et après tu as mis un damir mufanna. C'est la chose de dire il est him aussi. Ah, oui, c'est la chose. Ah, ouais, non, il est him. Mais là, ça aurait été plus précis de mettre les il est him. Il est ta'ati him, wa musa'adati him, wa bil ihsan, il est him. Naam. Sadisan, hal birru al walidayn wajibun ala kulli insan? Naam. Alors, il y a qu'une fille marciate là, que ce soit pas, tu dois leur obéir, tout le monde doit leur obéir à la base, parce qu'il n'est pas une désobéissance à Allah. Mata yastahiku al-abawan musa'arat abna'ihim. Alors, on berde en yashiraba kouban min al-ma. Berde en yashiraba kouban min al-ma. Là, ça c'est la question d'après. Ah oui, non, c'est ça, c'est vrai. Fi hayatihima wa ba'd wafatihima. C'est ça que vous en avez. C'est quoi ta. La moussaada. Ma te yastahiq. Ah, la moussaada. Indama yakbur. Idha kabura. Idha kabura. Lakin à la base, même hatta qabl. Ma fille, inema, yani, après qu'ils aient vieilli, tu le fais plus. Même quand ils sont plus jeunes, tu les aides. Ma fille. Faminan, mata, sayuwaddihu lahuma, mahmoudun, ma zakarahu lahuma. Ba'an yashraba kuban min al-ma. Après qu'ils boivent un verre d'eau. Le 3, on l'avait fait, ça. Les hurouf. Ouais. Là, je devais faire le 6. C'est poser les questions. Taïeb. Dara al-hiwar bayna ba'd az-zumala'i. C'est quoi la question? Bayna man dara al-hiwar. Ahsant. Entre qui a tourné la discussion? Ta'atul walidayn wajibatun ala al-ibn. لمن عليه طاعة الوالدين؟ لمن عليه؟ لا. جميل. وما كان موضوع الحوار؟ La question c'est طاعة الوالدين واجبة على الابن. C'est quoi la question? Bien mis elle, mais il ne faut pas qu'il n'y ait pas par là. Non, c'est pas elle. L'imène, ta'atou walidain, wajib. Là. Un art est tout cas qu'un aïda. Je ne sais pas, c'est une règle. Quand tu as un harf au jar dans une réponse, ce même harf au jar, tu trouves dans la question. À la man. Ta'atou walidain, wajib. أو تجيب تعطي الوالدين تمام الحرف جار que tu trouves dans une réponse tu trouves dans la question et كذلك si tu trouves dans la question tu trouves dans la réponse ثالثا نعم أطال الله عمريهما هل والدك حي هل والدك هو حي هل نعم هل والدك حي est-ce que ton père est vivant? Allez voir, regarde la réponse, qu'est-ce qu'il dit? Naam, atallahu umrayhima. Il manque quelque chose. Que Allah... On n'avait pas dit que Walid, Walid, Al-Walid, c'est les deux, puisque le... T'as dit Walidak. Ouais. Walidak. T'as pas dit Walidak, toi? Non. Ah, fork. Walidak. Aïd, souhel. Ahal, Walidak, hayyun. La. T'as fait une erreur dans le nahou. D'accord. Là, tu as refait la même erreur dans le nahou. Walidak. Walidak. T'as les marfou, le alif. Et tu dis waliday avec le alif, avec le ya, quand c'est majrour ou mansoub. Prends ça dans les jurmiyah, inshallah. Hel walidak. T'as même. Hayyani. Parce que hay, c'est pour un wahid. Moufrad. Hel walidak. حياني تقول نعم أطال الله عمريهما رابعا توفيت والدتي قبل سنة هل والدتك حية حية لا صوت هل الوالد نعم و... اوكي نعم لا سلي شوف توفيت والدتي قبل سنة متى متى متى توفت توفيت توفيت والدتك والدتك نعم قلت اسكو تامي هي مورت خامسا احسن الرجل الى جاره احسن لا لا سي ان فيرب احسن يحسن سي مسوت احسن الرجل سي مسوت احسن الرجل Il est même Ahsana Hada Rajul. Aïwa, Ahsant. Biru al-Walidain wa al-Ihsan ilayhima. Maza katabta Ahsant. Non. Wa haqiqatu biru al-Walidain. Non, même tu réponds le haqiqa. Qu'est-ce que biru al-Walidain? C'est quoi? Biru al-Walidain wa al-Ihsan ilayhima. Après, on avait dit Sabia, à Kaza. Après, on avait dit ouais, Sabia, et après, j'ai un exercice, je devais raconter le Kiwara. On a enlevé le. Taïb. Maza taf'alu iza marida ahad walidayk. Qu'est-ce que tu fais si ton malade, un de tes parents? Usa'iduhum. Aïe, je l'aide. Thaniyan, maza taf'alu iza sami'ahta mala تحب من أحد والديك؟ كنت أصبر وأنصح إذا أستطيع. Ah ouais, je patiente et je le conseille. Bilati Arsen, ça c'est des fois un grand manque qu'on a malheureusement. On patiente très très peu sur nos parents. Voilà l'Asaf. Thalifan, limaza amaran Allah bil ihsani ila al walidain. Pourquoi est-ce que Allah nous a ordonné la bienfaisance entre nous, envers nos parents? Est-ce que ce sont لأنهم مثلا لأنهما ربيانا وأنفقا علينا وأن أمنا مثلا وعدت حملتنا ووضعتنا وتعلمت القرآن سيخي كتامي أتابورتي لا سوفير pour toi ton père l'a dépensé ils t'ont éduqué là c'est dans le cas où maintenant t'as des parents pour il y en a pour dire mon père il s'est jamais occupé de moi et ma mère elle m'a accouché elle m'a lâché à la DAS on dit même à ta portée, à t'enfronter. Elle reste ta mère. Elle reste ta mère. Et pour Allah, c'est une ibada. Combien même tu viendras avoir de la rancœur envers elle, pour Allah, tu jaillis de nafsak et tu fais l'effort de lui rendre le bien. Et il se peut que ce soit une cause qu'elle vienne vers le haq. Et au pire, si elle n'accepte pas, Yumla Kaima, ça ne peut dire contre elle. Pour dire ton fils, grâce à ce que tu l'as fait, il était bienfaisant envers toi, tu l'as renié, tu l'as repoussé. Tu n'as pas accepté. طيب رابعا كيف تساعد اخوتك واخواتك comment tu aides tes frères et tes sœurs donc c'est pas un choix que ton père t'ait éduqué ou ta mère t'ait éduqué pour que tu sois bir envers eux là c'est sûr que t'as vécu avec eux c'est plus facile mais même si ils t'ont c'est pour occuper de toi tu dois leur rendre leur haq. Comment tu aides tes frères et tes sœurs? Tu sais pas comment tu aides tes frères et tes sœurs? Ouais, bah tu viens avec ce que tu veux. D'accord, nous saïdouhum bil mal, bil nus, bil da'wa. Ça aime. Je les aide par l'appel, le conseil. Rien de ça, les cas. Khamisan, limaza yajibu an tursin ila usratika wa jiranika. Pourquoi dois-tu être bienfaisant envers ta famille et envers tes voisins? Au club, les nama, m'kima yusma sout. Lianna amar Allah azza wa jal. Lianna amara. Là, quand tu l'as dit, il faut un ism. Tu n'as pas qu'un verbe derrière Anna. Lien Allah Amara. Lien Allah Amara. Naam. Amara. Wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïd. Lien Allah Amara. Amarana. Bidhalika. Wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Nabiyyana. Kalim Artouf. Sur l'ordre de Jalala, donc les mansoub comme lui. Il vient après un waouh. Donc en fait, il prend la même irlob que l'ordre de Jalala Allah. C'est comme si il y a un Allah, ou un Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, le martouf. S'il vient après un waouh, ça prend la même irlob que s'il y a avant le waouh. Et ça revient à qui là? Ça revient à l'ordre de Jalala Allah. Naam. Taïb, maintenant tu dois. Tu devais réécrire le texte yani biusloub qissa en récit. Yani à partir du hiwar, pas le début. Mahmoud sa'ala Saliman hal walidatu al walidahu wa walidatu al walidu. Là c'est walidak hay. Ah, il a demandé après mais j'ai walidahu wa walidatu. إذن هل والداه تجي هل والداه هل والداه حيهما لا حيهما لا حي تمي حي تي اجوت الف ونون حيان حيان حيان حيان أجاب سالم سالم أنهما حيان حيان ودعا لهما ثم سأل أحمد وهو قال إن والدته من سأل أحمد محمود قلت ثم سأل أحمد وقلت سأل أحمد Parce que là, quand tu dis Salah Ahmadou, c'est Ahmed qui a demandé, t'as un fa'il, marfou. Toi, tu veux que ce soit Ahmed qui soit demandé, questionné. Ce qui questionne, c'est Mahmoud. Donc là, si tu ne sais pas, on va s'embrouiller qui a questionné qui, comment, comment. Donc on répète, Thumma Sa'ala Mahmoudun Ahmada. Après, tu viens avec la question. Thumma Sa'ala Mahmoudun Ahmada, wa qal, inna walidatu tawaffaha Allah, walakin. ولكن من؟ ولكن والده. والده. Son père qui est vivant. والده حي. ولكن والده حي. سالم طلب لمحمود لمحمود لماذا؟ سالم. Je comprends le tanwin. سالم سالم طلب لمحمود لماذا؟ سأل هذا. سأل عن هذا. عن هذا. Mais plutôt faqal. Faqal. Fa, c'est un sens de, ça revient juste après derrière. Faqal. Faqal Mahmoudun. Innahu. Innahu. Faqal innahu. Innahu. Tadakkara rajula. Alladhi kana yahmilu. Walidahu. في الطواف عندما قرأ عندما قرأها عن بر الوالدين بعد ذلك قال هاتش بجيم فقال سالم فقال سالم لمحمود لمحمود إنه أراد لا أزبينا لا ما أحتاج لهذا ثم سأل سالم محمودا هل يستطيع أن يشرح لهم كيف تمام يبرون والديهم هذا أقرب وقال محمود أن برهما يبرهما أن برهما أن برهما فقالت تجي فقال أيوة إن برهما بطاعتهم بطاعتهما وبمساعدتهما وبالإحسان إليهما بقي كلام أحمد ومحمود فقال أحمد هل يمكن أن يشرح له كيف يكون الإحسان إلى الحي والميت من هذا ايوه واجب محمود ان نعم وجب ان سيشرح لهما بعد ان يشرب كوبا من الماء احسنت ان شاء الله طيب هذا الذي اخذنا اليوم مفهوم C'est un bihat que je te donne, essaie de t'en rappeler. Comme ça, à l'avenir, Inch'Allah, t'en prends une, deux, trois, au fur et à mesure. Atta, et t'as hassan ta'abiruk. Biznillah ta'ala. Faylahuna, walhamdulillah bil'alamin.